Bonsoir à toutes et tous, les bienvenus dans cette nouvelle édition de Sans pleurs et sans reproches. Nous sommes en direct ce soir sur Galaxy Radio, notre radio préférée pour deux heures d'électronique body music, de dark techno, d'électro-indus, etc., etc. Une émission avec du contenu musical, mais aussi avec deux invités que j'ai vraiment plaisir à recevoir. On reçoit ce soir Peter Dolphin, alias DJ Black Weaver, et on reçoit Pierre, alias Pierre Degarde, qui vont vous proposer leur séquence à eux. Ça va sonner très très bon. Toujours est-il qu'on a commencé cette émission avec un duo de Los Angeles qui s'appelle Face in Flesh. On vient d'écouter le morceau éponyme de leur album Body's Language. Ça sort en autoproduction. C'est notre sélection de la semaine. Je ferai un petit topo tout à l'heure. On retrouve notre sélection d'il y a 15 jours. C'était le Synthetische Lebensform, l'album Current Profile. Vous savez, c'est deux Russes originaires de Mourmansk et composés de Vladislav Kofi et Yaroslav Artamonov. Ils s'inspirent de Frontline Assembly, de Front 242, bref, toute la crème de l'Uber pure souche, d'où leur musique incroyablement riche. Le 22 février 2025, ce qui coïncidait avec leur 12e anniversaire, ils ont sorti donc cet album Current Profile, 11 titres qui fusionnent l'électro-industriel et l'EBM, et qui explore des thèmes liés à la révolution numérique et la relation entre l'homme et la machine. Bien sûr, l'atmosphère est sombre et immersive. On s'écoutera uniquement le titre Run et on reprendra le micro juste après. C'est parti, Synthetische Lebensform, Run. juste à l'instant, c'est vraiment excellentissime. J'adore Synthetische Lebensform avec le morceau Run de leur album Current Profile. Je pense qu'il est temps de rentrer dans le vif, un des vifs sujets de ce soir. C'est notre invité Peter Dolphin. Salut Peter. Salut. Très content de te voir ici dans les studios de Galaxy Radio, dans l'émission Sans pleurer, sans reproche. Comment ça va pour toi? Ah, ça va bien. C'est la première fois, je m'amuse. Voilà, tu nous viens de Flandre, en Belgique. Ouais. Et tu parles un très très bon français, donc je suis... mais tu verras, tout va très bien se passer, ça va être très très bon. J'espère. Donc pour ceux qui ne te connaissent pas, qu'est-ce qu'on peut dire sur toi? Tu t'appelles DJ Blackweaver. Mm-hmm. Tu as commencé quand tes mix, etc. Ah, je suis commencé déjà quand j'avais 12-13 ans dans un centre jeunesse à Roulers. Surtout avec des mix grunge, mais j'ai une sœur qui a 9 ans plus que moi, et ouais, elle aimait bien le new wave et le punk. J'ai été beaucoup dans sa chambre, j'ai appris ça, j'ai mixé ça aussi, et à un moment donné, quelqu'un me dit « Ah, tu viens avec moi dans le Steeple à Waregem ?» Et voilà. On était parti. Et t'avais quel âge quand t'es allé au Steeple? C'était tard, 2002 environ, donc 21 ans. Oui. Quand même. Ah, 2002, ouais. Donc c'était encore la bonne époque. Ouais. Bah, les dernières années, ouais. Ouais, les dernières années, ouais. Mm-hmm. Et en plus, t'as mixé là-bas. Oui. Après un demi-an à peu près. Quelqu'un de l'organisation m'a entendu mixer dans le centre à jeunesse. Il a dit « Pourquoi tu ne mixes pas chez nous une soirée ?» Ouais. Tu peux commencer à 9h, hein, ouvrir. Il n'y a pas beaucoup de personnes. Ça a commencé avec une heure et demie. Et ouais, on était partis, quoi. Parfois des soirées complètes. C'était pour Bernd que tu avais mixé ? Oui, pour Bernd, ouais. Ouais. Qui ne fait plus rien, malheureusement, depuis... Moment que le Steeple est arrêté, il a eu un café à Dentregem, qui est fermé maintenant aussi, et il ne fait plus rien, je pense, dans la scène. Et outre le Steeple, tu sortais où, toi? Au Coquin, à Tournai. Ah oui, t'as mixé pour nous, pour l'ESN, voilà. À l'ESN, c'est ça. Parfois au Cornwall aussi à Tournai. Ah oui, je me souviens de ça. Oui. On a eu Bac 13 là, je pense. Ouais. C'était incroyable. À Gand, pour Alain, les soirées Purple Moon. Mm-hmm. Et aussi sur la radio, j'ai fait un programme radio pour 3 ans sur Godville, radio internet. Oui, je me souviens très bien. Ouais. Parce que tu n'écoutes pas que de l'EBM, tu écoutes plein de trucs, toi. Oh, j'écoute. Je ne veux pas dire tout, beaucoup. Tu peux. Mais beaucoup. Non, pas de chansons, pas de schlager, pas des trucs comme ça. Mais ouais, ça commence avec le grunge jusqu'au... Ouais, en Flandre, on s'appelle ça le petit art. Hein, les singer-songwriters, les chansonniers flamands. D'accord, ok, ouais. Mais pas les trucs... trop ambiance, c'est surtout... Industriel, tout ça, t'écoutes pas? Pas trop? Non. Non? Non. Ça t'ennuie? Oui. Ça doit quand même avoir une certaine... il faut comprendre. T'as besoin d'une structure et de chant? Oui, voilà. Voilà. Non, autrement, de techno aussi. J'aime bien le techno. Ouais. Et là, tu mixes encore, hein, parce que je t'ai vu, tu as mixé il n'y a pas très longtemps, là. J'ai fait de temps en temps encore des afters, mais des soirées, je ne fais plus, parce qu'il n'y en a plus. Il n'y en a plus, oui, ouais. Malheureusement. Mm-hmm. Ouais. Ça revient un petit peu, hein, je t'entendais parler avec Pierre tout à l'heure de tournée. Je sais que Raphaël nous prépare, The Great Frog nous prépare, nous prépare quelques... Alors, ce n'est plus des soirées maintenant, parce qu'on est assez âgés. c'est le dimanche après-midi, ce qui est véridique d'ailleurs. Ah, mais ça, c'est bien. C'est de 14h à 22h. Ah, mais ça, c'est génial pour les gens âgés. Il groupes le 18 mai. Voilà. Et pour les gens qui bossent aussi le lendemain. Ouais, hein, certainement. C'est pas facile. Je sais que tu as des enfants. Est-ce qu'ils suivent les traces de leur père sur la musique? Quoi? Les traces musicales, oui. La fille, oui. Ma fille, elle a 18 ans maintenant. Et elle ne trouve pas vraiment la route pour le moment. Mm-hmm. Et quand elle sait que papa va mixer, c'est toujours un je peux venir avec. C'est chouette. Juste parce qu'elle aime aussi la musique, mais il ne trouve pas vraiment la route pour y aller, quoi, parce qu'il n'y a plus de soirée. Donc elle vient avec moi. Bah c'est génial. Ah, c'est ça. J'adore ça. Toi qui es un petit vieux de la vieille comme nous, on va dire, oh. Hein, qui a connu le vrai marché musical avec des vrais CD, des vrais vinyles, des coffrets, ouais. Machin. Qu'est-ce que tu penses du marché musical de maintenant? J'aime pas. Ouais, je comprends. J'aime pas l'évolution. J'aime d'avoir quelque chose physique, un CD, un vinyle. Maintenant, les groupes sortent trop vite, je trouve. Hein, ils ont un morceau de prêt, ils le mettent sur Bandcamp et hop, c'est parti. C'est vrai. J'ai l'impression qu'ils pensent moins sur un concept. C'est vraiment, on a quelque chose de prêt, on va le sortir et on doit gagner. Et s'il y a encore quelque chose de physique, ce sont presque directement ou bien des vinyles limités qui coûtent très cher. 40 euros le vinyle. Ouais, voilà. Donc, à ce côté, je j'aime pas le marché pour le moment, non. D'accord, je pense qu'on n'écoute plus la musique, on la consomme. Et ça, c'est vraiment dommage. Il faut résister un petit peu à tout ça. Ouais. Mais bon, c'est très dur hein, quand on voit le choix qui nous est proposé sur Bandcamp, Spotify, ouais. Etc., etc. Je ne connais plus le temps que j'ai écouté un CD de A à Z. Ah ouais. Eh bien, je t'invite à le faire parce que j'ai redécouvert ma collection de vinyles. Ah ouais, voilà. c'est bien de se poser dans son catimpé et d'écouter un vrai album. Toi, en live, ta plus belle surprise, c'est quoi? En live, ouf. Le meilleur que j'ai vu dans la scène, c'est Project Pitchfork. Pour moi, c'est un groupe incroyable et chaque fois, je dois pleurer. Il y a toujours des larmes quand j'entends Souls. D'accord. Ouais, ça c'est quelque chose, ouais. C'est un morceau qui me touche. Mais en gros totalité, c'est Nick Cave. Avec le tournée de Boatman's Call. C'était incroyable. Et ta pire déception sur scène, c'était quoi, là? Déception? T'es pas obligé de le dire, hein. Attention, si tu veux pas... Déception? Tu veux pas vexer quelqu'un? Trop, non. J'ai toujours... Allez, je vais toujours écouter quelque chose. S'il y a des concerts, je connais pas... J'écoute 2-3 morceaux. Et si c'est pas mon goût, ben, je vais boire quelque chose. Bien, bonne idée ça. Ben, c'est ça, il ne faut pas rester là. Et en même temps, le bar, c'est aussi... il faut le gagner aussi, hein. les organisateurs. C'est donc, un lieu de rencontre. Ben, voilà. Je pense qu'on s'est rencontrés comme ça d'ailleurs. Ben, je pense aussi, oui. Tes prochaines sorties, c'est quoi, Peter? The Obscure. À Waregem le 10 mai et après le Double Dare Festival à Gand. Ah oui, à Gand, oui. Ouais. Grosse affiche hein, quand même. Mm-hmm. Ouais. Ouais. Heureusement qu'il y a tout ça. Oui, voilà. Allez. J'espère de voir Calva Inada là. Ah, oui. Et en plus, tu es venu avec 2 sélections. Mm-hmm. Alors, tu les énumères ou j'en parle? Vas-y. Ah, dis-moi. Alors, toi, tu as sélectionné un Dance or Die. Oui. Tu as sélectionné un Vin Vination. Mm-hmm. Les Espagnols de SM. Oui. Pourquoi? Dance or Die, je reconnais très bien, je ne sais pas la date exacte, mais c'est le premier morceau, le vraiment premier morceau que j'ai entendu la toute première fois que je suis entré dans le steeple. Et c'était quelque chose qui m'a pris incroyablement. Surtout avec l'organ, c'est une ambiance, ouais. Inoubliable. C'est années 90, hein, là. Ouais. Ouais. Ouais. Le deuxième, VNV Nation, c'est un peu le même raison, c'est la toute première morceau que j'ai mixé moi-même là-bas. Ah, bien. Ouais, pour moi, le Steeple, c'est le début, quoi. Donc, c'est très, très important pour moi. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi les deux trucs, les deux morceaux-là. UCM, on va avoir un autre groupe encore plus loin. J'ai choisi ça parce que c'est une groupe espagnole. Mm-hmm. Et je trouve qu'on regarde très étroit dans la musique. On cherche la musique tout proche. Certainement ici, on a des bons groupes belges, en Allemagne. Ce sont les pays classiques, quoi. Mm-hmm. Et je trouve qu'il y a encore beaucoup d'autres pays qui ont de la très bonne musique. Et ça, c'est la raison pourquoi que j'ai choisi USM, ouais. UCM. Electronico Cuerpo Musique. Ouais. Musique. Eh, c'est EBM, mais en espagnol, quoi. Oui, en plus, on a eu les chances de les voir à un festival à Madrid il y a quelques années. C'était super parce que c'est un vrai batteur sur scène. Une petite batterie électronique, mais le mec est à fond. Mm-hmm. Et le chanteur est vraiment très, très bon aussi. Oui, certainement. Donc, Dance or Die. Le morceau éponyme, Dance or Die. Après, mm-hmm. ce sera Rubicon de Vienne Nation, hein, du CD Empires. Et ECM, ce sera Estomper. Oui. Bah, tout à l'heure, Peter. À tout à l'heure. Hein. Allez, vous allez écouter la sélection de Peter, alias DJ Black Weaver. l'instant, c'était la sélection de Peter Dolphin, c'était Dance or Die avec Dance or Die. Le groupe ensuite, c'était Vin Vination avec le morceau Rubicon. Et en dernier, les Espagnols de ECM avec Estampere. D'ailleurs, de l'album Aceros Inoxidables. Avant de retrouver Pierre Degarde, je voulais vous passer une séquence, mettre les projecteurs sur une date très importante ici dans la région. Ça sera le samedi 3 mai au Black Lab. Cette soirée s'appelle le Cold Night Before the Dark Lab 2. Si vous écoutez bien la séquence et si vous composez à la fin des commentaires le 03 20 83 57 57, vous allez avoir la chance de gagner une place pour ce festival. Festival qui, dans l'affiche, est Sad Madonna. Alors Sad Madonna, c'est un projet solo du parisien Rémi Lauvergne qui navigue entre la dark wave, la cold wave, le post-punk, le shoegaze. Il crée une atmosphère qu'il qualifie de dramatic dance. Depuis l'automne 2021, Sad Madonna a sorti plusieurs singles, notamment Craving, qu'on va diffuser ce soir. À l'affiche également Paradox Obscur, que j'adore. C'est un duo grec formé en 2014 par Crystal Ann, qui est au chant et au synthé, et Toxic Razor, qui est aux machines à la production. Ils ont un univers particulier avec parfois un chant français, dans une sorte de minimal synth et EBM, avec une esthétique rétro inspirée des années 80. Chose particulière, les Paradox Obscur enregistrent tout en temps réel leurs morceaux, sans recours au séquençage numérique, et franchement j'ai vraiment hâte de les voir sur scène depuis le temps qu'on les diffuse dans l'émission. On s'écoutera le morceau After Hours. Juste après Qual à l'affiche, oui, au Black Lab. Qual, vous le savez, c'est le projet solo de William Maybelline, le cofondateur du duo Lebanon Hanover. Ils se renferment avec Qual en 2014 pour plonger et explorer un univers encore plus sombre, agressif que Lebanon Hanover, avec souvent une grosse bassline EBM. Je vous propose un titre tiré d'un album paru en 2018 chez les Italiens de Avanti Records. Ça sera Take Me Higher, et cet album, c'est The Ultimate Climax. Et tête d'affiche de cette soirée, donc une cold night before the dark lab 2. La tête d'affiche, c'est Linnea Aspera. Vous connaissez ce duo britannique dark wave minimal synth formé en 2011 par Zoé Zanias alias Zanias. Elle fait partie aussi de Kelluar ou encore, bien sûr, Linnea Aspera, qu'elle forme avec Ryan Umbridge. Leur musique, c'est un mélange hypnotique de synthé analogique froid, de rythme mécanique et de mélodie mélancolique, portée par la voix intense et éthérée de Zoé Zanias. En 2012, leur musique sera rapidement culte chez nous et va plaire à un différent public, c'est ça leur force. Et c'est une excellente chose. On passera à un morceau que je diffuse assez souvent en soirée parce que je l'adore, ça sera Event Horizon. Allez, on met les projecteurs sur A Cold Night Before the Dark Lab 2. Ce sera le samedi 3 mai au Black Lab à Wascal. Vous connaissez parfaitement cette salle. Le prix d'entrée en pré-vente est de 25€, sur place 30€. Mais en fait, il y a différents tarifs. Hein. C'est d'ailleurs gratuit pour les enfants. Il y a aussi deux tarifs aménagés pour les moins de 16 ans. Ce sera 15€. Allez, c'est parti. Sad Madonna, Craving, Paradox Obscur, After Hours, Qual, Take Me Higher et Linnea Aspera, Event Horizon. Tout ça pour vous diriger sur le site du Black Lab et acheter vos places pour A Cold Night Before the Dark Lab 2. séquence dédiée à la soirée A Cold Night Before the Dark Lab 2. Ça sera le 3 mai au Black Lab, je le rappelle, avec à l'affiche Sad Madonna, Paradox Obscur, Qual et Linnea Aspera. Bravo à la personne qui a gagné cette place. Et il est maintenant temps de retrouver notre deuxième invité. C'est Pierre Degarde. Salut Pierre. Salut Walter. Comment ça va? Ben écoute, très bien. Je suis super content d'être là ce soir. Ça faisait un sacré bout de temps que j'étais pas venu. Donc, ouais. Donc voilà, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Alors toi, on se connaît depuis à peu près 12 millions d'années. C'est ça. Mais comment tu as découvert cet univers musical là? Quel nôtre? Le BM, tout ça? Bah écoute, à la base, moi j'étais plus orienté métal, tout ce qui était techno aussi. Et comment j'ai découvert? J'avais découvert via l'ESN, l'année où Voidkampf avait joué. Et en fait, j'y étais allé comme ça, un peu pour découvrir des groupes en fait. Et donc j'ai découvert Voidkampf et le BM par la même occasion. Et vous, pas longtemps après, puisqu'on s'était rencontrés au Coquin. Ouais. Et voilà, quoi, j'avais lancé la promo pour Voidkampf. Voilà, je l'avais donné un petit coup de main à Nico. Et de fil en aiguille, bah, on s'est liés d'amitié. Et voilà, depuis, c'était en 2000. 2000 combien? Je n'ai aucune idée. Je n'ai aucune mémoire des dates. Donc, voilà. Plus de 15 ans, ça, c'est sûr. Ah oui, oui, bah, beaucoup plus, oui. Ouais, 20 ans, peut-être, pas loin. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Et je crois que à cette soirée ESN, t'étais venu pour Mucrakers d'ailleurs. C'est ça, tout à fait. T'étais métalleux et c'est bien, je suis content, on t'a converti à la bonne musique, à l'électronique body music. Et quand tu... t'étais jeune en plus, hein, t'étais vraiment jeune quand on s'est rencontrés là, pour la soirée ESN avec Voidkampf. Ouais, j'avais peut-être 22 ans, un truc du genre, quoi. Et tes lieux de sortie à l'époque, tu sortais pas mal ou parce que t'es de quel endroit à la base? Bah moi je suis plutôt du Douaisy, mais pendant mes études à la fac, je faisais énormément de concerts. Donc concerts sur l'île, concerts de métal principalement. Donc j'ai vu Fear Factory, Nine Inch Nails, Rammstein, enfin cette belle époque où les grands groupes jouaient dans des salles à taille humaine. Oui, carrément. Voilà, parce c'est que vrai, t'as raison. Maintenant, les festivals, c'est compliqué pour voir le groupe de près, donc ça c'est vraiment dommage. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'y vais pas spécialement en fait. Donc, donc voilà, même si bon, dernièrement là j'étais allé voir Meshuga à l'Aéronef, c'était une sacrée claque. Et... L'Aéronef qui reste une très bonne salle, oui, taille oui. humaine, ouais, parfait quoi. Ouais, ouais. Très bonne salle. Ouais. Et à part le BM, le métal, t'écoutes d'autres choses? Bon, électronique, industriel. Ouais, je sais que t'aimes bien l'indus. Hein. Pas n'importe lequel en plus. Après, qu'est-ce que j'écoute? Bon, les vieux classiques de hip-hop, j'aime bien aussi. Bon, les vieux classiques, hein, Cypress Hill, etc. Ouais. En classique, j'aime bien Philip Glass, par exemple. Ses bandes originales. Voilà, après, comme... tout ce qui est musique d'ambiance et compagnie, c'est pas trop mon truc. Moi, bon, je connais mes classiques des années 80 comme tout le monde, mais ça s'arrête là, quoi. Donc voilà, bon, c'est de l'éclectisme. J'en ai fait quand j'étais jeune, mais c'est exactement ce que j'allais dire. En plus, je connais, mais bon. Alors toi, t'es pas DJ, t'es pas comme Peter. Mais toi, tu fais de la musique. C'est ça. Même si bon, là, pour l'instant, c'est en stand-by. J'ai plus trop le temps. Mais oui, bah, y avait eu les petits jingles pour Sampler. Ouais, c'est toi qui avait fait notre premier, enfin notre ancien générique. Mm-hmm. T'avais fait des petits arrangements aussi, les petits jingles. T'es un bon producteur pour ça, parfait. Mais t'as ton projet aussi. Ouais, bah j'ai pas mal de morceaux. Il faudrait que je retravaille dessus histoire de peaufiner. Et bah j'échange beaucoup avec Nico de Voidkampf, voilà, qui est un excellent professeur, donc voilà, c'est toujours enrichissant de discuter avec lui. On s'est fait des petites, je vais pas dire des battles, mais oui, bah si, je me souviens en plus. Collaboration qui, bon, j'espère que ça verra le jour prochainement. Voilà, après, bon, c'est pas toujours évident de trouver le temps, mais En fait, tu me fais beaucoup penser à Nico parce que t'es quelqu'un qui va collectionner les morceaux, tu vas pas les sortir tout de suite, tu vas attendre, tu vas réfléchir, re-réfléchir, tu vas patienter. Et quand ça sort, par contre, ça claque. T'avais sorti pas mal de morceaux avec PPK. Mm-hmm. Donc j'aimerais les voir concrétiser message personnel. D'accord, bah, écoute, je vais m'y remettre. D'accord. Et bah, maintenant, t'es grand. Mm-hmm. T'es pas encore vieux comme nous, mais t'es grand. Et je sais que t'as des enfants aussi. Est-ce qu'ils suivent les traces de leur père au niveau musique? Bah écoute, la petite a 3 ans, donc bon, c'est encore compliqué, on va dire, mais mon fils a 7 ans. Et il est assez curieux, donc il s'intéresse beaucoup à la musique, donc de temps en temps il vient me voir quand j'ai sorti le clavier, ou même il va à la musique par exemple tous les mercredis. Mm-hmm. Et il est vraiment intéressé par ça, donc bah, j'ai ce bon espoir qu'il continue sur sa lancée et à voir ce qu'il voudra jouer comme instrument. C'est de la batterie. Je suis sûr que la musique à la maison, ça tourne tout le temps. Oui, oui, oui. Donc c'est vrai qu'il écoute un peu de tout, voilà, donc... Il aime bien, je lui ai déjà fait écouter du Voigtkamp où il a roulé des mécaniques. Ouais, je me souviens de certaines vidéos, oui. Il y avait déjà son petit Marcel, là. C'est ça. Donc, ouais. Alors, t'es pas de notre génération, t'es juste celle d'après. Toi, t'as connu la musique avec le streaming, c'était vraiment le téléchargement Non, c'était encore l'époque des CD. Et d'ailleurs, le premier groupe... alternatif, je dirais, que j'ai connu, c'était Prodigy. Mm-hmm. Et c'était sur une compile Megadance. Les trucs de 4 CD, là, c'était ma mère qui avait ça. Et, c'est très bien, déjà. et ouais, j'avais été scotché, et c'est à partir de là que j'ai dévié sur, justement, tout ce qui était techno et compagnie. Voilà, mais ouais, j'ai connu l'époque du... même un petit peu les cassettes. Voilà. Mais après, oui, maintenant, c'est vrai que tout ce qui est streaming, l'offre... il y a pléthore de groupes, donc c'est vrai qu'il y a de quoi écouter, mais bon, consommer, et parfois consommer trop rapidement. Donc, ouais. Et j'ai envie de dire, pour les groupes, c'est difficile de trouver une place dans tout ça. Ouais. Enfin, pour l'instant, j'ai pas essayé de me positionner ni quoi que ce soit, mais bon, je pense qu'il faut avoir un concept pour sortir un peu du lot, parce qu'on est forcément noyé dans la masse. Et c'est vrai qu'on est dans une génération où on zappe très rapidement. Même les gens, quand ils vont regarder des vidéos sur YouTube, eh ben, ils vont aller regarder en accéléré, etc. Ouais, donc, moi, ça m'impressionne. Ça m'impressionne vraiment. Si tu te démarques pas, bon, bah, voilà, tu vas sortir quelque chose qui va être écouté un petit peu au début, puis ça va vite s'effondrer. Donc, je pense pas qu'il y ait de recette miracle, mais de la qualité et je pense de la régularité aussi. Après, on peut en vouloir à personne. C'est le monde qui est comme ça. À nous de nous en sortir pour écouter de la vraie bonne musique. Bon, tu parlais de concert, mais je vais me poser la même question qu'à Peter. C'est quoi ta plus grande claque, toi, au concert? Plus grande claque, c'est difficile à dire. Il y en a eu plusieurs. La plus récente, je te parlais de Meshuggah. Il y a 2 ans, je crois. J'ai vraiment été impressionné par le côté... mathématiques en fait, enfin de leur musique déjà, mais sur scène c'était vraiment incroyable, c'était très très puissant. Je pense que c'était le concert le plus puissant que j'ai pu voir. Après bon, un concert qui m'a marqué, bon, c'était Rammstein, c'était mon premier vrai concert, donc c'était au Zénith, il me semble, à Lille, donc ouais, quand ils avaient joué deux jours là, oui. Ouais, c'est ça, ouais, Rise, ouais, donc 2005. Ouais, c'est ça, et donc pour ton premier concert, tu te prends des flammes. Des Allemands bodybuildés, et puis des grosses guitares. Bon, tu te rappelles quoi. Un mec du groupe qui traversait en ouais, Zodiac. Ouais, c'était incroyable. C'était incroyable. La foule. Ouais. Ouais, après des concerts. Voigtkamp aussi, forcément. On en parlait tout à l'heure. Je peux dire que ouais, Voigtkamp a changé ma vie en quelque sorte, puisque ça m'a réorienté vers un nouveau style de musique. Le droit chemin, ça s'appelle. Voilà, c'est ça. Et puis, bah, rencontrer des personnes qui sont devenues des amis depuis. Donc, donc voilà, c'était des moments forts. Et on parle de ton pire concert ou... Bon, j'en ai un en tête, mais bon, est-ce que c'est vraiment utile? À toi de juger, mais tu peux le dire. Non, mais c'était Marilyn Manson. Hein. Ah, je sais plus combien. Mais, ah bon, bon, ça faisait un peu au minimum syndical, mais bon. D'accord. Bon, après, pire concert, c'était pas, pas on est, ok, on n'est pas obligé de le dire. Et tes prochaines sorties, c'est quoi, Pierre? Là, au mois de juin, Powerwolf, à Lille. Je connais pas du tout. C'est un groupe de métal qui devrait bien remuer. Et mais avec ma femme, on va aller voir la prochaine tournée de Marilyn Manson, justement. Comme ça, ça sera ton deuxième pire concert. Voilà. Écoute, tu nous as fait une petite sélection, il n'y a pas de Manson dedans, mais je t'invite à présenter ce que tu as choisi. Ouais, ok, bah écoute, on va commencer par un projet parisien, Igor. Enfin, Igor, c'est le prénom du collègue qui fait ce projet. Voilà, donc ça fait un paquet d'années que je le connais aussi. Donc son groupe s'appelle Super Shotgun. Enfin, son groupe, il est tout seul. On écoutera le titre Shrapnel City. En gros, là, le concept, c'est un projet synthwave, dark synth, qui est inspiré par les jeux vidéo et les films des années 90. Il a le look, monsieur. Et c'est vrai que quand on écoute, bon, bah voilà, on peut penser, enfin, se projeter sur Predator, Doom, ce genre de chef-d'œuvre. Voilà, il est influencé par Perturbator, notamment, puis l'univers de John Carpenter, de manière plus générale. Et là, récemment, là, au mois de mars, il a sorti un EP 7 titres, Rescue Through Time. Et il se produira bientôt en avril à Paris. Et ensuite, il a une date aussi dans les Vosges au mois de mai. Donc, je me suis en venant ici, tant qu'à faire, autant le promouvoir un peu ce qu'il fait. Donc, il y a raison, je ne connais pas du tout. Ouais, bah, je lui souhaite du succès, c'est sympa, puis c'est un bon gars en plus. Donc, donc voilà. Ensuite, on enchaînera avec un style de musique très apprécié de Peter. il ira boire quelque chose. Voilà. On se verra au bar. Là, on écoutera Air Tuning, donc un des artistes du label Galactoro, voilà, qui vient de sortir il y a un an une troisième compilation Cosmoloco pour fêter les 30 ans du label. Donc là, on écoutera le titre The Glory Age of Pain. Donc là, bah, pareil, comme d'habitude, hein, Cosmoloco, c'est 10 titres exclusifs qui visent à illustrer les artistes du label. Donc on retrouve Osarafna, November Novelet et compagnie. Et enfin, on finira cette séquence avec Icebreaker et le single qu'ils ont sorti pour le nouvel album Cold Front. Voilà, donc qui est sorti au mois de mars. Et donc bah voilà, ce sera un petit peu de guitare pour finir. Bah écoute, parfait. Super Shotgun, Earth Yuning et Icebreaker. Merci Pierre, à tout à l'heure. À tout à l'heure. La première séquence de Pierre, Super Shotgun, avec le morceau Shrapnel City. Ensuite venait Earth Yuning avec le morceau The Glory Edge of Pain. Et pour finir, le dernier single de Icebreaker s'appelle Cult Front. Allez, je vais vous faire un petit agenda et je vais commencer tout de suite avec ce vendredi 11 avril. On parle souvent du Black Lab ici à Galaxy Radio dans les émissions Sans pleurer, sans reproche et Culture Wave. Et c'est normal, c'est un super endroit. Et ce 11 avril, il y a Louise et Mick qui fêtent leur anniversaire. Ils sont nés le même jour, et bien sûr pas la même année, comme dit souvent Mick. L'entrée est gratuite. Greg et moi mixons pour cet événement, notamment. Donc je répète, ce vendredi 11 avril, c'est l'anniversaire de Mick et Louise au Black Lab. Et on sera tous avec eux pour célébrer cet événement. Au mois d'avril, il y a pas mal de choses ici dans les environs. Le 19 avril, il y a Original Band, Voodvox, XMS et DJ Angst. Ce sera la Brad Cave, le prix d'entrée est de 10 euros. Je le disais tout à l'heure, le 3 mai, ce sera Cold Night Before the Dark Lab 2. Avec à l'affiche Linea Aspera, Qual, Paradox Obscur. Et c'est au Black Lab. Et en DJing, il y a DJ Kido. C'est un, ça sera un agenda très décousu. Vous allez voir, les dates vont être pêle-mêle. Le 31 mai, c'est un petit peu loin, mais il y aura le syndicat électronique et le groupe Tote. Ça se passera à l'Alterax de Nice. C'est une organisation d'Arkpaka. Tout ça pour vous dire que avec Greg et Nico, on a joué pour Voidkampf, pour Darkpaka à Nice, à l'Alterax ce week-end, en compagnie de Wolfband. C'était une punaise de soirée. C'était très très bon. Donc c'est une organisation à soutenir si vous êtes dans les environs de Nice, Aix, Marseille, etc., etc. Ou sinon, vous faites comme nous, vous prenez l'avion. Le 12 avril, ce samedi, il y a une soirée électro New Wave à un endroit qui s'appelle Orge et Houblon à Lens. C'est organisé par Greg S. Et il y aura nos potes au platine, les Reisel Corps, les jumeaux. Le 24 avril, à Bruxelles, il y aura la présentation du livre électronique Body Music avec en interview les auteurs, Yuma et Marcel. Ça se passera au Tropical Records. Le 26 avril, il y aura la release show du nouvel album de Enzo Kreft qui s'appellera Dictator à Anvers. Le 23 mai, date importante dans l'aglo, ça sera la Welcome to Culture Wave. C'est une soirée avec trois groupes, dont Battery 73, que j'ai vraiment hâte de voir sur scène. Il y aura aussi deux DJ sets. Ça se passera au BIS ou au BIS, je ne sais pas comment on dit, à la Madeleine. Donc c'est tout proche de Lille. L'entrée est gratuite. Organisée par Greg. On revient au 12 avril, il y a This Is Not a Dark Fest 2, organisé par Fred Coton, dans sa ville de Lessines, qui est située au sud de Bruxelles. Il y aura les groupes Non Human, NNHMN, Lifeless Past, The Ultimate Dreamers et Wig in Doggerland, ainsi que Nel et JP, qui ont été d'ailleurs reçus dans l'émission X-Wave de notre pote Fred de Daga East. Donc ce samedi soir, il y aura aussi des DJ sets. Le 19 mai, c'est un lundi, il y aura Trent Moller et un guest à l'Aéronef de Lille. Prix d'entrée 20€ ou 27€ sur place. Et je pense que Greg vous fera gagner des places dans son émission Culture Wave. Et le 18 avril, il y aura Orphex, False Identity, Claradi et Terence Fuxmer au Recyclart à Saint-Yen-de-Molenbeek, qui est tout près de Bruxelles. Allez, on retrouve notre sélection de la semaine qui est Face in Flesh. C'est un duo de Los Angeles dont on ne sait rien ou presque. Ce sont juste deux individus masculins qui ont pris une seule photo d'eux. Ils existent depuis 2024 et m'ont déjà fait forte impression avec ce EP 6 titres, Body's Language, sorti en autoproduction à la fin de l'année dernière. Ces Américains ne s'encombrent pas avec de la promo. Ils vont droit au but en sortant des cassettes audio dans un format limité à 50 copies seulement. Sur leur structure, Secret Rhythm Records. Leur musique est vraiment un parfait mélange entre de l'EBM avec une touche de synth-pop du plus bel effet. C'est très très agréable d'écouter. Face in Flesh. Et on s'écoutera le morceau What Horrors Lie Sleeping. C'est parti, Face in Flesh. Yeah! vous avez apprécié autant que moi, c'était le groupe américain Face Inflation. C'est notre sélection de la semaine avec l'album Body is Language. Alors j'ai devant moi deux furieux, ils faisaient déjà peur tout seul, mais là c'est tous les deux devant moi, c'est impressionnant. On retrouve Peter Dolphin et Pierre Degarde pour, qui présentent chacun leur sélection. Nous dire un petit peu pourquoi ils veulent présenter ces groupes-là ici à Galaxy Radio. On commence par... On va commencer par Peter. Ok. Alors, ta deuxième sélection, est-ce que tu te souviens des groupes ou tu veux que je te les dise? Ouais, je reconnais. Premier morceau est un groupe russe. C'est Russian IBM. Ouais. De... Strong Product, oui. J'ai choisi ça pour la même raison que ECM, qui est passé déjà, parce qu'on regarde trop les pays standards, quoi, comme l'Allemagne et Belgique. Deuxième et troisième morceau, numéro 5 et 6, c'est... je connais les Français, ils sont un peu chauvinistes, quoi. Oh là là. Mais t'as raison. Donc maintenant, moi, je suis aussi un peu chauviniste. Donc t'as j'ai choisi deux groupes belges, un premier ou deuxième, je sais pas. Ben, tu verras, Londres, l'ordre, je l'ai changé un peu. Ok, enfin, ça va. Changé, je ne le connaissais pas, donc j'ai fait ça au hasard. Ok, donc j'ai choisi l'Escure 13, qui est un projet de Johan Van Roy de Suicide Commando, ensemble avec quelqu'un de Stinskatsor, ouais. Que j'aime bien le BM Stomp, et je suis fier que c'est un projet belge, quoi. Et le dernier, c'est pour moi un groupe que j'aime beaucoup, ce sont deux frères que j'aime beaucoup, je veux bien dire que ce sont des amis. Et c'est Deliritas, je suis fou de leur musique. Il faut la découvrir, quoi. Mais oui, carrément. Mais ils sont venus le 24 février ici dans les studios. Mm-hmm. Alors, je connaissais déjà leur musique, ils étaient déjà venus une première fois. Ouais. La deuxième fois ici dans les studios, on a passé une super soirée. Et en plus, j'ai pris une belle petite claque quand je les ai vus à l'EBMD à Saint-Nicolas. Pardon. Le concept est fabuleux. Un mec à la vraie batterie, mm-hmm. Le frère juste à côté qui envoie, enfin, c'est à découvrir, vraiment, c'est une super découverte, c'est un très très bon groupe, en plus ce sont deux très belles personnes, il faut les encourager. Ouais, je les ai vus déjà une dixième fois, je pense, et je les supporte, complètement. On en parlait tout à l'heure avec Pierre, il faut qu'ils sortent plus de trucs, faut pas garder les morceaux dans une boîte. Les proposer. Ouais, certainement. Voilà. Donc, j'ai changé un petit peu l'ordre, hein, tu verras. En fait, j'ai commencé avec Lesker 13 et le morceau Secrets, mm-hmm. de leur double album, hein, qui est sorti sur Out of Line, c'est Too Much Motherfucker. Mm-hmm. Après, ce sera Spielplatz, des Deliritas. Et on terminera ta séquence avec Strong Product et Russian EBM. Ouais. Strong Product, d'ailleurs, qu'on a vu à Lille. Je sais pas si t'étais là, Pierre. Super groupe aussi, un géant, un peu à la Dion Vourde. Ouais, c'est un mec impressionnant, quoi. Ouais, et le chanteur qui a une bonne tête de tueur aussi. C'était une très bonne soirée. Pierre, qu'est-ce que tu nous as proposé pour ce soir? Eh bien, écoute, on va commencer avec Sierra, voilà, le projet parisien, qui est passé il n'y a pas longtemps en Black Lab. Ouais, carrément. Voilà. Très bonne soirée aussi. Donc ce sera le titre Last Brief. Avec ce morceau que j'ai découvert, Sierra, qui est un morceau quand même très, très musclé, hein, qui envoie, donc je me suis dit que ce serait dans le thème. Pour rester dans la thématique, on va ensuite enchaîner avec Crop, qui est pour moi une des références en matière d'EBM des années 2000. C'était une étoile filante qui venait de Suède. Ils ont fait qu'un album, mais quel album, ouais. Exceptionnel. Là, je te reconnais bien, là. Avec Crop, t'as même le t-shirt d'ailleurs. C'est vrai, mais ouais, c'était un album terrible, terrible, et qui a été réédité en 2014 avec quelques titres inédits. Et là, ce soir, on en écoutera un, Saonia, qui veut dire jamais sans toi. Voilà, puisque c'est des grands amoureux, c'est suédois, les frères Gustafsson. Ouais. Voilà. Et on finira avec Static X, du métal industriel, du métal, ça dépend comment on le voit. Avec Terminator, Oscillator, qui est en fait issu d'un double album suite au décès du chanteur Wayne Static en 2014. Mais en fait, ils ont retrouvé des bandes sonores enregistrées par lui. Et en fait, ils ont décidé de faire un double album hommage et des morceaux réussis. Un concept sympa, donc même en concert, c'était vraiment sympa à voir. Et sachant que sur le dernier volume là, qui est sorti l'an dernier, ils avaient fait une reprise de Nine Inch Nails, Terrible Lie. Voilà, et là ce soir, ce sera un extrait du premier. Donc Sierra avec Last Breath, c'est un featuring avec Hippo and the Jacket de l'album Left Behind. Après, c'est Crop Sanoya de l'album éponyme, qui est sorti d'ailleurs sur Francadelphia Records et limité à 242 copies. Static X, Terminator Oscillator du CD Un Projet Régénération Volume 1, je le dis en français. Écoutez, merci pour cette très bonne soirée, les gars. En plus, on est bien, on est à la salle Riel, on n'est pas trop mal. Je suis très content de vous avoir reçu dans les studios de Galaxy Radio. Vous revenez quand vous voulez. Merci pour l'invitation. Un petit mot de la fin. Merci, Walter. Mais avec plaisir. Juste après, les terribles sons de Formassive ne seront pas présents dans les studios ce soir, mais vous retrouverez Greg à partir de 23h pour Culture Wave. Vous le retrouverez aussi en direct en vivant lundi prochain dans les studios de Galaxy Radio. Nous, on se retrouve dans 15 jours. Je ne sais pas si ça sera en direct ou un petit mix, je ne sais pas encore. Dans tous les cas, merci d'écouter Galaxy Radio. À bientôt, ces messieurs, et écoutez toujours de la bonne musique. Ciao. Bye bye. Violence, danger, violence.

Music remains